Merci beaucoup, je suis ravi. Ça affecte toujours ma vie privée, comme je l'avais dit. Et c'est comme ça que je suis victime, tu vois. Je défends les gens et peut-être les gens, ces gens-là, retrouvent leurs droits et la justice, peut-être. Et moi, personnellement, je reste l'ennemi des bourreaux. Et me commence à me chercher même la nuit, même la journée, et c'est comme ça que ma vie personnelle est vraiment en danger. Prenons l'exemple, actuellement, je suis en exil à cause de mon travail, à cause de ma position de dénoncer, de faire des déclarations pour la justice. Et c'est comme ça que ma vie privée réellement est affectée et qu'aujourd'hui je vis loin de ma famille. C'est tout à fait logique de voir les choses comme ça. Vraiment, c'est un peu ça. Je suis victime réellement personnelle de mon boulot, de mon travail vraiment. Et c'est un peu ça.